Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler des Aigles de Roberval, les Aigles de Roberval qui étaient en action cette semaine. Quoi qu'il en soit, ils ont trois équipes, fait que ils étaient sûrement en action. On en parle avec Simon Gaudreau, responsable du programme. Salut Simon. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Simon, parler avec un de tes anciens joueurs aujourd'hui, Nicolas Roy, qui est dans la Ligue nationale. Tu l'as bien connu, Nicolas, ouais. Donc à l'époque des Sacs, t'étais avec les Sacs dans le temps? Oui, c'était avec les Aigles, Nicolas, on l'a côtoyé quand même pas mal. Dans le fond, c'est un éditeur, c'est tellement quelqu'un qui connaît ça. Je suis très pour surpris, premièrement. Puis, il a tout fait en son. Il met tous les gens de son côté pour arriver ce qu'il en est. C'est vraiment un bel athlète. Je pense qu'à quelque part, dans la Ligue nationale, puis je parlais avec lui justement, puis il se voit, puis les Hurricanes le voient comme un joueur de troisième trio, jouer dans les deux sens de patinoire, bon dans les mises en jeu. C'est à peu près ça, hein? Tu es d'accord avec moi, avec Je veux dire. Ben, tu sais, si on se rappelle de son parcours avec Hockey Canada, qu'il avait joué au moins de championnat de moins de 20 ans, tu sais, il était là pour les mises en jeu importantes. Il était là contre les meilleurs trios de l'autre côté. Il jouait sur le deuxième, d'avantage numérique devant le filet. Donc, c'est des atouts que, je pense, les Hurricanes ont vu en lui. Puis, c'est lui, il a tout le temps continué de travailler en fonction d'améliorer ses forces comme il l'a fait. Puis, ça faisait partie de ses forces. Donc, je pense que ça va vraiment être à sa place à ce niveau-là. Ça allait plus, c'était vraiment son niveau, son patin. On se demandait, la Ligue nationale est tellement rendue vite. Mais tu sais, il a tellement un bon gabarit, puis il travaille très fort dans cet aspect-là, hors glace et sur glace, puis avec d'autres intervenants je pense que ça va être sa place. Là. Ouais. Jouer ses quatrièmes, s'en servir de son physique, bon, ses mises en jeu, ça peut être son style un peu. C'est à peu près ça. Là. Donc, il est en audition, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Il joue sur le quatrième trio actuellement, donc. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Hey, on va y aller avec les Aigles parce que tu embarques sur la glace tantôt. Les Aigles qui ont joué deux matchs, un au niveau Benjamin puis un au niveau Cadet. Niveau Benjamin, c'est une victoire de 4-1 contre Wilbert Dufour et une défaite de 4-1 contre le Bleu d'Or au niveau Cadet. Oui, exactement. Dans le fond, le Benjamin, c'était le deuxième match de la semaine. On s'était parlé, je crois, le jeudi. On venait de subir un revers de 7-0 à Québec. Cardinal Leroy, on a fait une séance vidéo, on a eu une bonne pratique. Ce qu'on a constaté beaucoup de notre match à Québec en Benjamin, c'était la préparation. Hein, j'en avais parlé, c'était l'autobus, la première fois qu'on allait dans un nouvel aréna. Ils ne veulent pas, ces jeunes-là, faire 3 heures d'autobus, ça les affecte en début de match. C'est toutes des petites choses qu'on leur a parlé. Puis honnêtement, j'ai été surpris de leur réaction. Ils se sont mieux préparés. Il était prêt à jouer le match et ils ont eu des résultats. T'sais, on ne parle pas de victoire, défaite, mais au moins ils ont compétitionné, ils ont travaillé. Au niveau cadet, c'est un petit peu plus compliqué. Arvida ont très bien joué. Nos jeunes ont fait preuve de beaucoup d'indiscipline. L'équipe n'a pas eu son franc jeu. Ça fait quelques matchs que c'est arrivé. On a travaillé là-dessus cette semaine. J'ai hâte de les voir rebondir là, en fin de semaine. OK. Donc, ça va être intéressant à suivre en fin de semaine. Il y avait une équipe qui était en congé, c'est ça? Oui, l'équipe juvénile était en congé là, en fin de semaine dernière. Donc, là, tout le monde prend le collier en fin de semaine. Là. Le Benjamin joue dimanche. Et c'est les matchs d'ouverture en fin de semaine. Donc, le cadet reçoit SSF et juvénile, même chose, samedi. Un derrière l'autre, 2h et 3h30. Ensuite, le lendemain, là, c'est le Benjamin juvénile là, qui joue, donc programme complet pour nos équipes. En fait. Les assistants sont toujours intéressants. Oui, ben tu sais, c'est ça, c'est que c'est beaucoup de parents, amis. C'est toujours ça. Là, hein? On joue dans des. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a aussi les jeunes qui veulent venir jouer dans le programme éventuellement. Il y a quelques curieux, c'est sûr et certain, des deux équipes. Puis on est en mode de préparation pour notre tournoi des Aigles, le concours scolaire Pays des Bleuets qui va avoir lieu le 6 au 9 décembre prochain en cadet et en juvénile. On va recevoir 16 équipes, donc quand même plusieurs d'extérieur, donc ça va vraiment être un bel événement là, pour ça va se faire, c'est un genre de showcase, c'est ça? Non, c'est vraiment un tournoi, notre showcase, nous, là, il est Benjamin, on a un showcase, oui, c'est à la fin du mois de novembre, il est à Cowansville, mais là, vraiment, c'est comme un tournoi, là, la chose qu'on organise, ce soir-là, c'est vraiment notre tournoi à nous, on accueille les équipes qui veulent bien s'inscrire dans nos ligues. OK, donc, dans nos ligues, donc ça veut dire, c'est-tu toutes les équipes, ça vient-tu pas mal tout de l'extérieur, combien il va y avoir d'équipes d'extérieur? J'ai 10 équipes cadets, puis j'ai 8 équipes d'extérieur, j'ai Arruda qui est local. Okay. Sinon, là, toutes les divisions sont représentées. Ouais. OK. Ben, Simon, on s'en reparle bientôt.